Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le 9 octobre 2013, on a célébré un peu partout dans le monde le bicentenaire de Giuseppe Verdi. Franck Ferrand ne pouvait pas passer à côté de l'événement. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Verdi est né en effet la même année que Wagner, en 1813. Personnage immense dont l'aura, vous allez le voir, excède largement l'univers de la musique, comme les nationalistes italiens du siècle passé. Nous allons donc crier « Viva Verdi » cet après-midi sur Europe 1. Et ce 9 octobre était aussi la journée mondiale de la Poste. Oui, ce sera une bonne occasion pour nous de consacrer notre retour aux origines à la naissance de ce service qui a transformé notre monde. Pour le moment, cap sur l'Italie, la Scala de Milan et Busseto, où naissait, il y a un peu plus de 200 ans maintenant, le petit Verdi. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Verdi, ce n'est pas seulement une biographie, ce n'est pas seulement une œuvre, et quelle œuvre ? C'est un destin inouï sur tous les plans artistiques évidemment, mais aussi social, humain, vous allez voir jusqu'à quel degré, et même politique naturellement. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que Giuseppe Verdi est donc né soit le 9, soit le 10 octobre 1813. C'est bien un bicentenaire que nous célébrons aujourd'hui. Il est né au hameau des Roncole, on est tout près de Busseto, dans la province de Parme. La famille de Verdi est une famille modeste. Son père est aubergiste, c'est un cabaretier, comme il y en avait tant dans ce début de 19e siècle. Un cabaretier qui tout de même savait lire et écrire, ce qui n'était pas si fréquent. Il faut imaginer l'ambiance autour de cet enfant, bien entendu, avec tous ces gens de passage, bien entendu. Il est élevé dans un climat qui est à la fois un climat rural, assez rude, et en même temps, dans une sorte de très grande jovialité. Il y a les gens de passage, il y a les chansons, enfin c'est une atmosphère assez pittoresque. Disons, la mère de Giuseppe. D'ailleurs, je l'appelle Giuseppe, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on était sous occupation française, c'était la grande époque napoléonienne, 1813, et donc l'acte de naissance de Verdi est rédigé en français. Et d'ailleurs, il s'appelle Joseph Fortuna François Verdi. Mais très vite, la culture va reprendre le dessus, et bientôt la politique, et c'est Giuseppe, évidemment. C'est le fils aîné de la famille. Et sa mère, vous disais-je, elle s'appelle Luigia Outini. C'est une belle femme assez discrète. Elle était fileuse. Une de ces belles figures qu'on pouvait trouver dans les campagnes de l'Europe de cette époque, évidemment. Carlo Verdi veut instruire son fils. Il a de grandes ambitions pour lui et il va littéralement faire des sacrifices dans ce but. Il fait tout pour que son fils reçoive la meilleure éducation possible. Or, le petit Giuseppe est doué, et on s'en rend compte très tôt, d'une intelligence hors du commun et, qui plus est, d'un véritable goût pour le travail. On peut dire que c'est un autodidacte, Verdi, on va voir jusqu'où d'ailleurs, mais on peut dire que très tôt, à l'âge de 5 ans, 6 ans, il tient les orgues de Busseto, c'est assez extraordinaire. Alors, un mot peut-être, si vous voulez, de cette ville de Busseto, de cette bourgade, petite cité parmesane, qui aujourd'hui vit complètement dans le culte de son fils prodigue. Pendant très longtemps, jusque dans les années 1950, la ville est restée quasiment inchangée telle qu'elle était du temps de Verdi. Et puis évidemment, elle s'est un peu modernisée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de constructions modernes ont envahi certains quartiers. Busseto a pour cœur la Piazza Giuseppe Verdi, évidemment, avec la statue du maestro en bronze. Il est assis sur son fauteuil. On peut dire qu'il est au milieu d'une sorte d'Italie en miniature. Il faut imaginer ce que c'est que cette petite ville avec sa banque, son église San Bartolomeo, son fromager. On est quand même dans une cité parmesane, évidemment. Et puis les restaurants italiens et aussi ces orgueilleuses demeures du XVIIIe siècle avec les volets verts. Et bien entendu, n'oubliez pas que nous sommes en Italie, on est près de Parme, bien entendu, le café. C'est aussi sur cette place, sur la place Verdi, que s'élève la Casa Barezzi. C'est un lieu important, en tout cas pour la suite de l'histoire. Alors, vous savez qu'aujourd'hui encore, l'image, le souvenir de Verdi est très présent là-bas. Et si vous parlez un peu avec l'épicier du village et que vous lui expliquez que vous êtes passionné d'art lyrique, il vous fera monter jusqu'à son grenier et il vous sortira toutes sortes de documents, et notamment les notes de Verdi pour commander des saucissons. Il ne savait pas au moment de son départ pour Saint-Pétersbourg s'il trouverait de la bonne charcuterie là-bas sur place en Russie, alors il avait fait littéralement des provisions. Cette région, disons-le, est une région où la musique est reine. Très tôt, le père de Verdi lui a acheté une vieille épinette, vous imaginez, une sorte d'ancêtre de piano. C'était vraiment pas extraordinaire. D'ailleurs, on a fait venir un accordeur et le jour où l'accordeur est venu, il entend le petit Verdi essayer. Évidemment, il pose les doigts sur le clavier. Et c'est la musique qui sort à ce moment-là de cette épinette est tellement extraordinaire que l'accordeur dira « Non, écoutez, non, ne me payez pas, j'ai déjà été payé ». L'organiste et instituteur du village, Baistrocci, va inculquer à Verdi à peu près tout ce qu'on peut savoir de base. Il lui apprend notamment le solfège, mais évidemment, le gamin est tellement doué que très vite l'élève dépasse le maître et que très vite, donc, on verra Verdi remplacer le vieil organiste titulaire à l'église de Busseto. En 1825, à la mort de Baistrocci, Verdi, qui n'a que 12 ans, succède officiellement. Il n'a 12 ans et il est l'organiste attitré, c'est lui qui a le poste. Et c'est là qu'entre en scène celui qu'on pourrait presque appeler le second père de Verdi, c'est-à-dire Antonio Barezzi. C'est un riche marchand de liqueurs, c'est le responsable des Philharmonici, c'est-à-dire de l'orchestre d'amateurs régional. Et il va devenir non seulement le protecteur de Verdi, mais évidemment son mécène. Verdi passe ses semaines à Busseto pour peaufiner son art. Et puis il rentre chez lui le week-end. Il rentre chez lui à pied pour satisfaire à ses devoirs d'organiste, bien entendu. Son salaire lui permet d'ailleurs de payer lui-même une partie de ses frais de logement et d'entretien. Alors c'est toute cette formation générale qui va s'arrêter aux alentours de 14-15 ans. Il a commencé, il faut le dire, à composer extrêmement tôt. Or, en 1832, il est né en 13, vous voyez, il a 18 ans, il obtient une bourse d'études pour aller au conservatoire de Milan. Sauf qu'il ne réussit pas à l'examen d'entrée. Il est refusé en raison de pas mal de choses. D'abord, il n'a pas l'allure, hein, évidemment, d'un élève du conservatoire de Milan. Mais surtout, il ne sait pas positionner ses doigts sur le clavier. Et pour cette simple question de position des mains, il est refusé. Et d'ailleurs, ça va être terrible ça pour lui. Il gardera toute sa vie sur lui une enveloppe qui est libellée de la manière suivante. L'année 1832, le 22 juin, la demande d'admission de Giuseppe Verdi au conservatoire de Milan fut rejetée. Sperar so bestemmia il lasso, la C'était un extrait de Macbeth interprété par Placido Domingo sur Europe 1. Dans quelques minutes, on retrouve Franck Ferrand pour la suite de son récit sur Verdi. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Une après-midi consacrée à Verdi, dont vous continuez, Franck, à nous conter l'histoire. Pour Verdi, l'été 1833 est terrible. Il y a là deux événements tragiques dans sa vie. D'abord, il va perdre son professeur bien-aimé, Provesi, qui est celui qui est le premier à lui avoir appris, montré les voies de la composition, même si encore, je vous l'ai dit, même si encore une fois, il est largement autodidacte. Et puis, sa sœur, Giuseppa, meurt aussi à ce moment-là. Il va se marier Verdi 3 ans plus tard. Il faut vous dire, parce que je ne vous ai pas raconté ça, mais à 15 ans, il était tombé amoureux de la fille de son maître, de Barezzi, Margherita Barezzi. Elle était elle-même pianiste, elle était chanteuse, ils se sont adorés, ils ont été fiancés pendant 5 ans et ils se sont finalement mariés en 1836. Ils auront 2 enfants. Leur fille Virginia, c'est un nom qui a été emprunté à un drame d'Alfieri, drame républicain. Elle naît, elle, en mars 1837. Et puis, leur fils qui naît en juillet 1838 et qui lui répond au prénom de Icilio Romano. Il faut dire qu'Icilio, dans l'Antiquité, c'était précisément le fiancé de Virginie. Sa femme meurt le 18 juin 1840. Oh, elle a été emportée très vite, en quelques jours, par une fièvre rhumatismale. Et les 2 enfants aussi vont mourir en bas âge. Virginia, qui meurt en août 1838, et Icilio, qui meurt d'une pneumonie en octobre 1839. Beaucoup plus tard, dans une lettre à l'un de ses amis, le compositeur écrira « Un troisième cercueil sortait de ma maison. J'étais seul, seul. » Et d'une certaine façon, et en dépit de tout ce que nous allons découvrir, d'une certaine façon, seul, désormais, il le restera plus ou moins. Il faut dire que, jeune marié, Verdi avait obtenu le poste de maître de musique à Busseto et que, évidemment, il avait rompu son contrat au bout de 2 ans, et pour cause, avec ce que je viens de vous raconter. Il va dès lors enseigner la musique, il fait travailler l'orchestre dans les grandes et les petites occasions, il compose notamment pour les fêtes religieuses. Et puis, en février 1839, alors donc qu'il vient de subir tous ces drames familiaux, son fils est encore en vie en février, il part pour Milan. Et l'on peut dire que c'est ici que tout commence vraiment. Et c'est ici qu'entre en scène la cantatrice Giuseppina Strepponi. Elle est très bien vue, évidemment, à Milan. Elle est, on peut dire, l'égérie des compositeurs locaux. Elle est la grande figure de la Scala. C'est elle qui va aider Verdi à faire sa place, à obtenir son premier contrat pour la Scala, avec un premier opéra, Oberto, qui sera créé le 17 novembre 1839. C'est un succès phénoménal. L'opéra est donné 14 fois et il sera repris la saison suivante 17 fois. C'est ce qui s'appelle, pour un coup d'essai, vouloir des coups de maître. Alors, on a fait bon accueil à Oberto et immédiatement, évidemment, la direction de la Scala propose à Verdi un nouveau contrat pour 3 opéras et on lui fournit le texte du premier, Un giorno di regno, sauf que ça, c'est un véritable fiasco. Un opéra qui, cette fois, ne va tenir qu'une soirée, le 5 décembre 1840, à cause de problèmes liés à la soprano, qui n'était pas la Strepponi. Verdi, à ce moment-là, songe à abandonner la musique. S'il y a un trait de caractère de ce personnage, c'est qu'il a tendance, en dépit d'éclairs de génie et en dépit de cette pourtant très grande capacité à travailler, à surmonter les obstacles, en même temps, il a tendance à vouloir abandonner très vite. Une chose ne marche pas ou ne marche pas du tout, eh bien, il a tendance à dire au revoir ou même adieu. Il est prêt à abandonner la musique et c'est véritablement Giuseppina Strepponi qui va jouer un rôle essentiel. C'est elle qui va le tenir, qui va le ramener à la musique, qui va le pousser à accepter de composer pour le Carnaval 1842. La grande œuvre à ce moment-là, et Daniel Porte dans un instant va nous raconter dans quelles conditions tout ça a été créé, c'est évidemment Nabucco. Ça, ce sera alors un très grand succès phénoménal. Arménal à la Scala, dans des décors et pourtant dans des costumes qui étaient des décors et des costumes de récupération. 57 représentations consécutives à partir de l'été 1842, ça c'est tout à fait incroyable. Évidemment, d'un seul coup, Verdi est adoubé. Il est considéré comme le digne successeur de Rossini, Bellini et autres Donizetti. Ce succès lui permet d'acheter une petite terre, justement, au Rancolet, où il est né, et de construire dessus une maison. C'est là qu'il va loger ses parents. C'est quand même une assez belle terre, hein, qui a fait une vingtaine d'hectares, à l'endroit même où ses parents, autrefois, avaient eu un fermage. Et là se déclare le véritable lien de Verdi avec la terre. Voilà un homme enraciné, un terrien, qui n'est finalement bien que sur ses terres. Et on peut dire que cette dimension-là, cet amour, l'amour de la terre l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. Pendant 10 ans, il va néanmoins voyager d'une ville à l'autre pour surveiller ses différentes créations. Milan, Rome, Venise et Padoue, Parme et Florence. En 1844, Hernani est donné par 32 théâtres dans le monde. En 1845, par 60 théâtres. En 1846, par 65 théâtres. Je crois qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer la fulgurante ascension d'un Verdi qui, dès le milieu du 19e siècle, est considéré comme le grand compositeur d'opéra, évidemment. Alors, il ne cesse d'en écrire de nouveaux opéras. Macbeth, bien entendu, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est, dit-il, ma première rencontre professionnelle avec Shakespeare. Un Shakespeare pour lequel il éprouve une véritable admiration. C'est le grand poète, dit-il, le grand tragique. Il l'appelle même, dans certaines de ses lettres, il l'appelle carrément « papa ». L'Europe entière se convertit, si je puis dire, à la musique de Verdi. En 1847, il part pour Londres afin d'assister à la création des Brigands. Et puis ensuite, c'est la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, avant de s'établir à Paris. Il est très amoureux de Giuseppina Strepponi. Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté sur cet aspect-là. C'est un véritable coup de foudre. Il faut dire qu'ils ont respectivement 34 et 32 ans, qu'elle enseigne le chant à Paris. Il s'installe à Paris, à Passy très exactement. Il croit que c'est pour la vie. Ils ont l'impression d'être arrivés à une sorte d'idéal de vie et de créativité. En fait, tout va basculer très bientôt. Era già figlia prima d'amare. Trovatore, interprété par Jonas Kaufmann sur Europe 1. Dans quelques minutes, on retrouve Franck Ferrand pour la suite de son récit sur Verdi. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et c'est Verdi qui est à l'honneur cet après-midi avec vous, Franck Ferrand. En 1848, à Paris, c'est la Révolution. Vous savez, on est en train de chasser Louis-Philippe du trône. Et évidemment, pour le couple Verdi, ça n'est pas très confortable. Alors, ce que va faire Verdi, c'est qu'il redescend vers son Italie. Il part pour Milan. D'ailleurs, entre parenthèses, il est là au moment de la Révolution milanaise de mars 1848. Vous savez que cette première révolution en France a créé un véritable foyer révolutionnaire dans toute l'Europe. Et c'est le cas à Milan. C'est là qu'il rencontre le révolutionnaire Mazzini, et c'est là qu'il va se convertir à la politique, car il y a, à partir de ces années 1850, un Giuseppe Verdi politique. Il sera, ne l'oublions pas, le fer de lance, l'emblème des nationalistes italiens. On est dans ce grand mouvement du Risorgimento. Il sera l'ami de Cavour, le premier ministre du roi de Piémont-Sardaigne, l'unificateur de l'Italie Victor Emmanuel. Et d'ailleurs, quand vous prenez les initiales de Victor Emmanuel, roi d'Italie, ça fait Verdi. Autant dire que le nom même de Verdi, claquant au vent sur des foules chauffées à blanc, va devenir tout simplement le cri de ralliement de ces nationalistes qui veulent une Italie unie. Et Verdi non seulement accepte ce mouvement, mais il le devance, il l'accompagne, il en est fier, ce qui ne l'empêche pas le plus souvent possible de retourner se ressourcer dans ses terres, de retourner s'installer dans sa propriété, dans sa villa. Et c'est là, évidemment, que les choses vont se gâter. Parce que lorsqu'il rentre dans sa région natale, il rentre avec une femme dont il est très amoureux, avec laquelle il vit, mais avec laquelle il n'est pas marié. Nous sommes dans l'Italie des années 1850. Et ça ne passe pas, bien entendu. Non seulement les habitants vont jaser, vont se mettre à ricaner, à cancaner sur leur passage. On dit même qu'ils jettent des pierres dans les fenêtres de Giuseppina. Mais Antonio Barezzi en personne, celui qui a été le beau-père, celui qui a été le premier protecteur de Verdi, lui reproche sa conduite avec Giuseppina. « Je n'ai rien à cacher, dit Verdi. Chez moi vit une femme libre, indépendante, aimant comme moi la vie solitaire et qui dispose de moyens qui suffisent à nos besoins. Ni elle ni moi ne devons rendre de compte de nos actions. » Mauvais caractère, ou plutôt, je préférerais dire, caractère bien trempé que celui de Verdi. Et ça lui sert dans un monde, celui des arts et celui des opéras d'Europe, où le caractère est peut-être la seule carapace possible. Vous savez, c'est une vie difficile qu'il va mener. Le voilà reparti pour Paris avec sa Giuseppina Strepponi. Il y est de nouveau en décembre 51, c'est-à-dire au moment du coup d'État de celui qui va devenir en France Napoléon III. Il est d'ailleurs très respecté à cette époque-là, à Paris, bien entendu. Il assiste à la représentation de la pièce d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias, véritable triomphe. Ça l'inspire beaucoup et il va écrire, évidemment. Évidemment, ce sera son adaptation qui sera la Traviata. On est à la grande époque de Rigoletto, du Trouvère, etc. La Traviata n'est pas un succès immédiat, mais elle trouvera, on le sait depuis, son public, puisqu'elle est un des trois opéras les plus joués et les plus appréciés dans le monde aujourd'hui encore. Giuseppina est malade à ce moment-là, en mars 53. Il faut revenir à la terre, en quelque sorte, et l'on voit Verdi hésiter constamment entre cette vie de grand maestro qui est unanimement fêté dans toute l'Europe, entre cette vie d'homme politique, car bientôt il va prendre de véritables responsabilités politiques, il va être élu lui-même, et puis cette vie de gentleman farmer, ou disons-le, de fermier, de terrien, qui est au fond celle qui lui convient le mieux. Il y a dans Verdi une nature paysanne, il y a dans l'œuvre de Verdi quelque chose de tellurique. Bonjour Daniel Porte. Bonjour Franck. Merci beaucoup. Alors vous dirigez depuis, on n'ose même plus dire, depuis très longtemps, le cercle lyrique de Grenoble. Vous connaissez évidemment l'œuvre de Verdi archi par cœur. Et avec vous, ce que j'aimerais faire, c'est justement entrer dans l'œuvre, entrer dans la dimension artistique du personnage. Un mot peut-être de cette dimension terrienne qui ne l'a jamais abandonnée. Il a toujours été un paysan. Io son un paesano. Il l'a dit. Oui, bien sûr, il l'a dit toute sa vie, mais bien sûr. Et à côté de cela, il a fait descendre l'inspiration romantique de Bellini, Donizetti, etc., qui lui paraissait un peu trop éthérée. On s'arrête quand on fait Bellini, on s'arrête, l'action s'arrête, et puis on écoute la voix, et ça repart après. Et ça ne lui allait pas du tout. Donc, il a essayé d'ancrer les pieds sur terre, et pour lui, l'action est primordiale, et dans la voix, il y a quelque chose brut de décoffrage. Et c'est peut-être pour ça que cet homme bicentenaire nous paraît aujourd'hui si moderne. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du compositeur Verdi, avec vous Franck Ferrand et votre invité Daniel Porte, maître de conférence honoraire à l'université Paris 4 Sorbonne, qui dirige également le Cercle Loisirs Lyriques de Grenoble depuis 35 ans. Je suis passé un peu vite, Daniel Porte, sur l'enfance et sur la jeunesse de Verdi. On a bien compris que c'était ce qu'on appelle un enfant prodige, et surtout que c'était un peu un autodidacte, même s'il a reçu bien sûr les cours d'un certain nombre de professeurs. Bien entendu, il s'est appris lui-même à jouer du piano. Et à côté de cela, il avait la musique infuse. Et il disait toujours, ça vient du cœur et ça va au cœur. Autrement dit, peu lui importait les questions d'harmonisation, les questions d'orchestration, ça viendra bien après tout ça. Et c'est pour cela qu'il y a, en somme, trois Verdi. Le Verdi de jeunesse qui fait dans l'élan, dans la spontanéité, dans presque le tumultueux, avec comme accompagnement, et on l'entend d'ailleurs dans le Trouvert, ce qu'on appelle la cavatine et la cabalette, c'est-à-dire le côté mélodieux, le côté harmonieux, le côté grande ligne musicale lyrique, et après la cabalette, c'est-à-dire le fameux rythme, tac-tac-tac-tac-tac. Ouais, et donc il y a la voix, et puis dessous, l'orchestration. Le deuxième Verdi, ce sera donc la trilogie Rigoletto, Traviata et Trouvert, et puis les autres bien sûr. Et là, il va déjà travailler davantage, la voix va s'intégrer dans l'action, l'action va être quand même primordiale, mais à côté de cela, il y aura une sorte de continuité avec la voix. On n'aura plus la voix séparée de l'orchestration. Et le dernier Verdi, ce sera celui qui a été très influencé par Boïto, et qui donc va créer ce qu'il appellera l'opéra total. C'est-à-dire que la voix est intégrée, l'orchestre a sa partie à jouer, mais cela fait un tout indissociable. On n'est pas très loin de Wagner, là, pour le coup. Oui, et de Gounod. Puisqu'on dit toujours que Wagner a inspiré Verdi, c'est pas tout à fait exact. Ils sont de la même année, hein, celui-ci, puisqu'on a célébré son bicentenaire au début de l'année à Wagner. 1813, 83, donc il est mort un peu avant Wagner. D'ailleurs, Verdi en fera une maladie aussi de la mort de Wagner. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et Boïto, donc, qui lui est wagnérien, va essayer d'influencer un peu Verdi. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, tout ce que l'on entend comme grand Verdi, c'est-à-dire Simon Boccanegra, par exemple, Macbeth, Don Carlo, ce ne sont pas les premières versions. C'est pour cela qu'on peut expliquer certains échecs par le fait que ça n'était pas assez travaillé. Et voilà. C'est Boïto qui va le faire travailler. Et qui va le remettre sur le métier. Bien sûr, donc Simon Boccanegra, c'est vraiment du Verdi revu et corrigé Boïto. Alors là, ça a un succès fou. Et oui, bien sûr. C'est parfait et c'est parachevé en quelque sorte. Alors, pour revenir aux œuvres de jeunesse, et j'aimerais qu'on revienne à un certain nombre d'œuvres, hein, si vous voulez, Daniel, puisqu'on n'aura pas le temps de tout évoquer de la vie d'un personnage foisonnant. Ça fait beaucoup. Oui, évidemment, et notamment toute la dimension politique du personnage. C'est passionnant, mais on peut trouver ça, évidemment, dans les différentes biographies, hein, notamment le Tout Verdi, sous la direction de Bertrand d'Hermoncourt, qui est republié chez Bouquin. Et puis, pour ce qui est de sa vie privée, qui a joué un rôle très important. On a vu cette première épouse qui ne dure pas du tout, la pauvre. Et puis ensuite, cette Giuseppina, évidemment. Moi, Giuseppina Verdi, c'est un roman de Karine Micard qui est publié également chez Robert Laffont et qui nous donne à voir Verdi sous un autre angle. Mais avec vous, j'aimerais qu'on revienne sur les œuvres et notamment, alors, la première grande œuvre, c'est Nabucco. Et vous me racontiez avant que ne commence cette émission une anecdote que j'ignorais, mais qui est incroyable concernant Nabucco. À vrai dire, le Nabucco, c'est un moment où Verdi a donc perdu sa femme, où il a écrit un opéra bouffe qui est un ratage complet, et où il n'a plus envie d'écrire. Alors il va falloir le forcer à écrire, et ça, c'est l'impresario de la Scala, donc Merelli, qui va essayer de l'avoir, si l'on peut dire, sans l'obliger à faire quelque chose. Alors il lui glisse sous le coude, un jour, comme ça, un livret magnifique de Solera, que Nicolai a refusé, et il lui dit, mais regardez-moi ça, lisez-le, et puis on verra. Oh, Verdi, non, pas question, il a arrêté, il s'arrête. Et puis, le soir, quand il rentre, il attrape ce livret, il le jette sur la table, parce qu'il n'a pas envie du tout de se remettre à écrire. Et, miracle, le livret s'ouvre sur quoi? Sur le texte de Va pensiero. Ce Va pensiero qui va l'inspirer, puisque c'est « Va penser sur tes ailes d'or », ça a donné le cœur célébrissime de Va pensiero et pour cause, qui sera d'ailleurs joué lors des obsèques de Verdi. Et donc, il va lire un petit peu de la suite, il va se passionner pour cette suite, et le lendemain matin, il savait le livret par cœur et il avait déjà commencé à composer. Si vous voulez, nous écoutons quelques mesures de Va pensiero. Évidemment, c'est extraordinaire. Alors vous qui professez sur une autre radio, Radio Fontaine, c'est le générique de votre radio, hein, c'est ça ? Absolument, oui, et je l'entends depuis 35 ans, à raison de 2 fois par semaine, ça fait beaucoup. Alors j'ai évoqué, on ne peut pas évoquer tous les opéras, mais il y en a quand même qui sont très importants. Vous me parliez de cette trilogie, donc Rigoletto, ça c'est très important. Avec, oui. Avec une nouvelle forme chez Verdi, avec ce récitatif qui va... Qui commence à ne plus être un récitatif, c'est ça, justement, hein, alors, oui. À s'intégrer à l'intérieur de la partition. Rigoletto, il a été moyennement accueilli, si l'on peut dire, à Venise, parce qu'on avait un bossu sur scène, et ça dérangeait beaucoup. Et pour cause. Et puis, ben oui, et puis à côté de cela, là, il y avait la censure qui n'aimait pas trop cette histoire-là, et la censure a joué un grand rôle chez Verdi, on lui a fait faire des choses C'était affreuses. L'adaptation du Roi Samus de Victor Hugo, qui déjà Hugo, avait été sûr. Interdit en France, hein, il faut ah le ben dire. Oui, oui. On n'aimait pas du tout. Et la censure a fait faire des choses effroyables à Verdi. On a failli ne pas avoir de Vêpres siciliennes, on a failli ne pas avoir de Bataille de Legnano, on a failli ne pas avoir non plus de Lombards, parce que la censure, par exemple pour les Lombards, a exigé, c'est un archevêque hein, qui a exigé qu'on enlève Ave Maria, parce que ça gênait, et on l'a transformé en Salve Maria, et là ça a pu passer. Donc on voit que la censure c'était affreux. Alors, pour alors on a entendu, est, oui. On a entendu tout à l'heure Di quella pira du Trouvert. Ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est un sommet. C'est un must, absolument. Ouais. Et c'est là que d'ailleurs, ça a été très mal accueilli par la critique, bien entendu. Le public a fait un triomphe. Mais la critique a écrit que Verdi avait réussi à faire entendre la musique nationale italienne sur tous les orgues de barbarie d'Europe. Vraiment, merci. Hein. Bon, et il, alors, il a quand même, oui, entre parenthèses, on lui a commandé l'hymne national italien aussi. Ah, bien, bien entendu. Et l'hymne des nations, c'est aussi quelque chose. D'ailleurs, Toscanini a fait rajouter des choses dans l'hymne national qui sera composé beaucoup plus tard. Et on aura même, c'est la lutte finale, hein, rajoutée. Ce qui fait sursauter les auditeurs quand je le passe à Radio Fontaine, d'ailleurs. Alors, ce Trouvert, lui, a été au contraire un grand, grand succès parce qu'il y a un élan là-dedans. C'est d'ailleurs là qu'on a vu, non pas la création, mais la naissance du dislancio, c'est-à-dire l'élan. C'est la fougue, c'est justement ce qu'il y a dans Di quella pira. Autrement dit, il y a quelque chose qui survolte le public. Et si la pira n'est pas doublée, le public, lui, il commence à siffler. Hein. On attend la pira dans le Trouvert. Et c'est d'ailleurs le dernier air qu'a écrit Salvatore Carmarano, qui était le librettiste. Et on a demandé à Verdi de vraiment soigner cette partition parce qu'il l'a écrit une semaine avant de mourir. Donc vraiment, c'était un hommage à Carmarano. Et d'un autre côté, il faut savoir que ce Miserere, qui est la fleur du Trouvert, qui est la fleur de ce qu'a écrit Verdi, à mon avis, avec le Nunc mitem ad Otello, mais enfin, on peut discuter longtemps. Ce Miserere, il a été écrit par Verdi sur une table de bistrot. En sortant de sa calèche, tout à coup, il a eu l'inspiration, il a écrit le Miserere. Alors, il y a un opéra, évidemment, dont on pourrait parler longuement, on pourrait faire l'émission entière, sur chacun d'ailleurs, mais notamment sur celui-ci, c'est le plus célèbre aujourd'hui, mais ça n'a pas été du tout le plus apprécié en son temps, c'est la Traviata, évidemment. Alors, la Traviata, ça a été un fiasco effroyable. Bah oui, Verdi l'a écrit, fiasco, fiasco, comme Bellini l'avait écrit d'ailleurs avant, solenne fiasco. Donc, c'est vraiment l'échec total. Et là, ça n'était pas du tout la faute de Verdi, non. C'est à Venise, donc en 53, toujours, la même année. Et là, c'est le baryton qui a fait du mauvais esprit parce qu'il trouvait que le rôle de Germont, c'était un peu court. Mmh. Et c'était désagréable pour un baryton qui avait une belle voix, qui avait déjà une certaine célébrité. Se voir confier le rôle du père, qui en plus est parfaitement détestable, il n'aimait pas. Alors, il a fait de la mauvaise volonté, c'est-à-dire qu'il a chantonné, il n'a pas joué du tout. Il a laissé jouer les autres, et à côté de cela, la Traviata qui est phtisique, qui doit être donc maigrichonne, était une dame un peu dans mon genre, c'est-à-dire bien en chair. Alors, évidemment, le public a trouvé ça totalement irréaliste. C'était pas très crédible, oui, voilà, pas c'est du ça. Tout, non, non. Et donc, ça a été un fiasco, mais Verdi n'y était pour rien. En revanche, il s'est rattrapé après et aux reprises, là, ça a été vraiment un succès. Simon Boccanegra, Un bal masqué, La force du destin, Don Carlo. Des œuvres souvent historiques aussi. On y vient dans un instant en votre compagnie, Daniel Porte. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire du compositeur Verdi, avec vous Franck Ferrand et votre invité Daniel Porte, maître de conférence honoraire à l'Université Paris 4 Sorbonne, qui dirige le Cercle Loisirs Lyriques de Grenoble depuis 35 ans. Roberto Alagna qui chante Aïda. Alors ça, ça a été, on peut dire, peut-être le plus grand triomphe de Verdi. C'est une commande politique et ce sont tous les souverains de l'époque qui viennent applaudir le maître, Daniel Porte. Oh, absolument. Ça a été le problème de la vie de Verdi parce que nous sommes à un moment où Paris ne peut pas, enfin est assiégé si on peut dire, ne peut pas laisser sortir qui il veut comme il veut et il faut que les costumes auquel Verdi a beaucoup travaillé, que les costumes donc arrivent, que les décors arrivent. Les décors qui ont été vraiment beaucoup travaillés, on a pris les fresques de la tombe de Ramsès III pour le faire. Par conséquent, c'était vraiment étudié. Verdi avait fait venir les trompettes, les fameuses trompettes thébaines, pour savoir quel était le ton, pour savoir si ça s'accordait avec les trompettes de l'orchestre. Ensuite, il s'était documenté vraiment à fond pour savoir si, à l'époque, les châles que portaient les femmes avaient ou non des franges. Donc, ça avait été travaillé au maximum. Et voilà que plus rien ne peut sortir. Alors, ce sera créé un petit peu avec de bric et de broc, mais ça a eu un succès phénoménal parce que en Égypte, on a fait ce qu'il fallait pour véritablement remplacer ces premiers décors. Et ça a été, alors là, c'était du délire vraiment pour Aïda. On peut dire que Verdi s'est consacré essentiellement à la musique de théâtre, que c'est un compositeur d'opéra, mais pas tout à fait exclusivement. Il y a quelques œuvres qui échappent à la catégorie de l'opéra. Je pense au Requiem, évidemment. Ou le Requiem pour la mort de Manzoni, bien sûr. Oui. On a dit d'ailleurs, parce que la critique est toujours féroce, hein, dès que ça plaît au public, c'est la critique... C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Donc on a dit que c'était de la musique religieuse de théâtre. Ouais. Mais quand on a entendu le Requiem de Verdi, on souhaite l'avoir à ses funérailles pour chaque personne qui peut l'entendre. Évidemment, c'est impossible. Mais il y a là-dedans un souffle, il y a une profondeur, il y a un élan, il y a une foi réellement, alors que Verdi n'était pas particulièrement catholique, si l'on peut dire. mais il y a une sorte d'élan. Je crois que c'est l'élan qui correspondrait le mieux à Verdi. D'ailleurs, si on peut dire de Victor Hugo « Je suis une force qui va », vous connaissez, oui. On pourrait le dire aussi de Verdi. Oui. Mais ils se ressemblent par bien des aspects. Bien sûr, bien sûr. On peut dire que Verdi a quand même plus d'humilité que Victor Hugo, ou en tout cas, il cache mieux son orgueil, hein, quelque part. Il a ce côté terrien, peut-être, essentiel. C'est pas exactement de l'orgueil, c'est des complexes. Oui, voilà. Verdi a toujours fait le complexe du terrien arrivé. Il a toujours détesté les salons, il a toujours fui la foule, il se réfugiait à Sant'Agata. Dès qu'il pouvait, bien sûr. Et il était même d'un tempérament un peu brusque, parce que quand on ne lui plaisait pas, il envoyait promener les gens sans se déranger beaucoup. Et à côté de cela, il était fier d'être parti de rien pour arriver à tout, bien sûr. Et le roi d'Italie l'a fait marquis de Busseto. Oh, bien sûr. Il a été commandeur de la Légion d'honneur à Paris. Enfin, la fin de sa vie ressemble à une espèce de triomphe, un peu comme Victor Hugo, hein, du reste. Comme c'est Victor la même. Hugo, bien sûr. La fin de sa vie, ça a été marqué, si l'on peut dire aussi, par Othello, et je crois que Othello, indépendamment du fait que c'est Othello, doit être souligné pour montrer la popularité, mais alors incommensurable, qu'avait Verdi à ce moment-là. À la sortie d'Othello, la place de Milan comptait plusieurs milliers de personnes qui hurlaient, qui vociféraient, qui appelaient le maestro avec les trompettes, avec les couronnes, enfin il faut voir un peu l'Italie de ce moment-là. Et jusqu'au moment où Verdi est apparu au balcon, et ça a tellement été fort que le ténor Tamagno, qui venait de chanter Othello, a entonné l'esultate, qui est le grand air d'entrée d'Othello, à côté de Verdi sur le balcon. Alors là, je ne vous raconte pas, à 5h du matin, tout le monde y était, bien sûr. Alors Verdi est devenu un vieux monsieur, on pourrait croire qu'il va écrire des œuvres de plus en plus noires, justement. Et c'est l'inverse, il nous sort cette espèce d'opéra bouffe qu'on appelle Falstaff, qui est une sorte de grande plaisanterie, en fait. Eh oui, c'est le bourre, là, comme il disait. C'est le pancione, autrement dit le ventru, le gros bonhomme. Et c'est aussi l'amour de Shakespeare qui reparaît. Il a adoré Shakespeare toute sa vie. Son grand regret a été d'ailleurs le roi Lear, qu'il aurait eu envie de composer, qu'il a d'ailleurs commencé à composer, et il n'a jamais pu aller au bout, mais c'est resté son épine dans le talon, si l'on peut dire. Et il a donc eu cette sorte d'inspiration dernière pour Falstaff, qui ne ressemble à rien de ce qu'il avait fait avant. Absolument. C'est assez étrange. C'est très étrange. Aussi bien sur le livret que sur la musique, d'ailleurs. Surtout. Entre nous, hein. Oui. Le livret est toujours Boito, n'est-ce oui, pas c'est ça. Donc, l'influence de quelqu'un qui était librettiste. Et les autres compositeurs, il a connu les nouveaux talents de l'époque Il justement. A été vraiment le maître à penser de Puccini. Mais voilà, hein, quand même. Mais bien sûr. Et donc, il s'est intéressé sur la fin de sa vie à ce qui se passait autour de lui. Et il est devenu un maître, mais un maître qu'on n'imite pas, parce qu'on ne peut pas dire que Puccini imite Verdi, bien sûr. Mais il était vénéré par tous ceux qui ont suivi, mais qui ont fait autre chose, d'abord parce qu'il y avait l'influence germanique et il y avait l'influence aussi française, des Français qui avaient écouté Wagner. Donc, on ne pouvait plus faire de Verdi. Mais on a gardé de lui l'élan et on a gardé le côté grand lyrique, la grande phrase verdienne, se reconnaît entre toutes. Mais après, on l'a respecté. Alors, tous ceux qui ont suivi la vie de Verdi dans cette dramatique à la télévision, qui a été diffusée plusieurs fois, se rappellent ses obsèques absolument extraordinaires. Là encore, on pense un peu à Victor Hugo, mais avec la dimension paysanne en plus, toujours, hein, ce rapport à la terre. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce très grand compositeur dont on célèbre le bicentenaire? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est la mélodie peut-être? La mélodie. La grande phrase lyrique, moi je crois. À côté de l'engagement dramatique, la grande phrase lyrique est l'art de faire entrer l'orchestre, comme dans le Vienio Levita de Nabucco, qui est d'ailleurs une de ses premières, où l'orchestre entre, on ne l'entend pas entrer, mais après il y a le chant des violoncelles sous la voix de basse, bon, Gurov naturellement, un autre amour à tous les deux, si j'ose dire. Oui, c'est... Et c'est véritablement quelque chose. Alors, il y a la phrase musicale, il y a l'accompagnement orchestral, et il y a aussi l'engagement dramatique qui fait que les personnages sont, non pas tout d'une pièce, mais sont fouillés, mais ont toujours, si vous voulez, la musique qui correspond à ce qu'ils sont en train d'être. Autrement dit, c'est... Rien d'artificiel. Rien d'artificiel, absolument rien. Et il y a la voix, puisque Verdi écrivait, il y a trois choses qui doivent être respectées entre toutes, c'est la voix, ensuite la voix, et enfin la voix. Donc la voix toujours, mais la voix intégrée. Et c'est ça qui a été son testament, je crois. Merci beaucoup, Daniel Porte. Nous nous quittons sur quelques accents de la force du destin, la forza del destino. Et puis je rappelle que par ailleurs, vous êtes l'auteur d'un très bel ouvrage qui vient de sortir aux éditions Ellipse. C'est une biographie de Vercingétorix. Vercingétorix, celui qui fit trembler César chez Ellipse de Daniel Porte. C'est vraiment très important à lire dans un autre registre. Et puis pour ceux qui aiment comme nous l'opéra, sur des textes d'Antoine Péker avec des photographies magnifiques de notre ami Guillaume Delobier. Je cite Guillaume Delobier toujours avec plaisir parce qu'il a vraiment le sens du monument. Il y a quelque chose de très graphique dans sa façon d'appréhender les architectures. C'est Les plus beaux opéras du monde et c'est publié aux éditions de La Martinière. Merci Daniel Porte. E questa vita che debbo al suo valor, anch'io lo salvo, se fosse quell'indo maledetto che macchiò il sangue mio, il suggello si franga, chiunque mi vede, no! C'était un extrait de La Force du Destin, interprété par Placido Domingo, Franck. Et on vous retrouve, Franck Ferrand, dans quelques instants pour nous parler des débuts de La Poste en France sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. En cette période de fête de fin d'année, vous êtes nombreux à envoyer vos colis et vos cadeaux par la poste. L'occasion pour nous aujourd'hui de vous en expliquer les origines avec vous, Franck. Vous savez que c'est ici que tout est né quand même. D'abord, on a en France le plus vieux réseau postal, celui de l'Université de Paris, qu'on a toujours tendance à oublier. À la fin du XIIIe siècle, la Sorbonne entretient tout un corps de courriers dont le but est de transporter non seulement des lettres, mais aussi et peut-être surtout les sommes d'argent qui sont collectées à l'intention des étudiants de la province ou de l'étranger. Et puis, évidemment, la création de la poste telle qu'on la connaît, les premiers relais de poste avec ce système, vous savez, pour changer les chevaux, etc., et pour transporter des nouvelles, c'est Louis XI, c'est 1476, avec évidemment des routes qui, à l'époque, sont encore, pour beaucoup d'entre elles, assez difficiles. Évidemment, il y a des chevaucheurs qui s'occupent de transporter la correspondance. Alors attention, à l'époque, c'est la correspondance du roi, puisqu'il va falloir attendre le règne de Louis XII en 1506 pour que les particuliers soient autorisés à utiliser les postes du roi. Alors, il y a des guides qui vont naître peu à peu. En 1533, 1576, on a ces guides. La première carte des routes de poste, elle date, elle, de 1632. Petit à petit, on s'habitue et on se met à écrire du courrier. C'est très important, ça, pour les historiens, parce que vous savez que, évidemment, toutes les sources épistolaires constituent une véritable mine pour appréhender, pour connaître la vie quotidienne des gens. Évidemment, l'Office des messagers royaux est créé à la fin du XVIe siècle et encore plus évidemment, c'est sous Louis XIV, je dis encore plus évidemment parce que c'est toujours Louis XIV qui crée les nouvelles administrations, c'est sous Louis XIV qu'est constitué le corps des facteurs avec, en 1672, la création par Louvois de la ferme des postes. Alors, la poste telle que nous la connaissons, nous, eh bien, c'est de l'époque de Verdi, en quelque sorte. Quelle date, hein ? Le mandat poste, par exemple, est créé en 1817, la lettre recommandée en 1829, et puis peu, alors, en tout cas, pour les envois sur Paris, et puis alors après, pour le reste de la France, en 1844, les premières lettres recommandées pour la France, avec une taxe supplémentaire à partir de 1873, c'est le régime que nous connaissons, nous, actuellement. Il faudrait évidemment parler de rôle du train dans l'évolution de la poste. Le train postal a tout changé. Il faudrait parler de l'invention du timbre, tout de même, ça n'est pas une mince affaire. Et puis, évidemment, avec l'avion et avec l'aéropostale, on s'envolerait vers de tout autres horizons. Ce qui m'intéressait en tout cas aujourd'hui, c'est de vous montrer que la poste est très ancienne et qu'elle est née chez nous.